Un chant nouveau de Philippe de Vos, lu par Jérôme pour audiocité.net. Songe numérique. C'est un songe sans fin qui parcourt le réseau. C'est l'existence qui se referme sur elle-même, comme la boucle d'un programme. C'est un sursaut de vie dans l'immensité pleine qu'elle en est vide, si remplie que le tout s'accomplit en lui-même et nous en lui. Et puis, plus rien. Ma vue se brouille. Je vois trop loin, diront certains. Mais c'est que dans cet univers, les barrières se sont affaissées et nos visions n'ont plus de limites. C'est la fiction qui devient science. C'est la machine qui devient homme. C'est l'homme qui disparaît. Parfois, à la surface de la toile si lisse, des bulles apparaîtront. Tentative avortée d'une émancipation qui arrive trop tard. L'acte est déjà joué. Combien de temps que ma mémoire se perd au gré des courants d'air qui agitent la toile? Depuis combien de temps le temps n'a plus autant d'importance qu'avant? Depuis quand ai-je sombré dans ce rêve éveillé, nouvelle réalité vécue interfacée à un ordinateur? Combien d'heures écoulées dans cette immensité dont la surface miroite, tentatrice, vénéneuse? Que suis-je? Explorateur? Anonyme surfeur? Malade? Quoi encore? Pourquoi ai-je fait ce choix? Mais si c'était donc ça le sens de notre histoire, s'il ne pouvait pas en être autrement, tout simplement, alors tout s'éclaire. Je suis dans la matrice tel un mouton en laisse. Je me nourris de celle qui nous prend, nous digère et nous recrache sans état d'âme sur le lit d'un clavier. Suis-je enfin fou? Où est le vrai? Non, ne me dites rien, ne me débranchez pas. Je veux survivre ainsi, voguant de site en site à la recherche de l'âme sœur, fût-elle un algorithme. Y a-t-il quelqu'un pour m'écouter chanter? Voici un chant nouveau. Au début était l'homme, le feu, la roue, les cris, primates évolués, puis vinrent la boussole, la poudre, l'imprimerie et l'électricité. Quand l'ère informatique déboula dans nos vies, nous admirâmes Pantois, le dieu technologie. Nous nous précipitâmes dans le gouffre sans fond tout nouvellement créé. Primates évolués, primates migrateurs, singes aux sens altérés. Bientôt quelques tuyaux et nutriments pâliront nos faiblesses naturelles, prémices d'une ère nouvelle. Qu'adviendra-t-il après, quand les enfants de nos enfants auront appris à faire sans corps, à faire sans chair? Qu'arrivera-t-il alors? Nous allons l'inventer ?